Théo Rochette, Stéphane Rochette qui est avec moi. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, évidemment, il y a été question, votre fils est arrivé en dernière minute au repêchage. On dit que vous avez fait de pression beaucoup sur pour que vous soyez sélectionné. Pourquoi la Légion majeure du Québec? Mon fils voulait venir jouer dans la Légion majeure du Québec. Évidemment, on aurait pu attendre une année de plus pour qu'il soit sélectionné dans le draft européen. Il y avait beaucoup d'équipes de l'Ouest, des équipes de l'Ontario qui étaient déjà dessus. Mais mon fils voulait venir jouer. Il aurait dû attendre une année. Il voulait venir jouer en Ligue junior du Québec à 16 ans. Je pense qu'il a la possibilité de le faire, la capacité de le faire. Et il m'a dit, papa, moi j'aimerais ça jouer au Québec. Je me sens québécois, j'ai vécu au Québec. J'aimerais ça aller dans la Ligue junior du Québec. C'est une ligue qui, je pense, lui convient aussi. C'est une ligue assez offensive. Pour un joueur offensif comme lui, créatif, je pense que c'est une bonne ligue. Donc, pour la Suisse, votre fils, c'était pas une option, quoi? Oui, j'ai une excellente option en Suisse avec la Chaux-de-Fonds en Ligue nationale B. Okay. C'est une équipe professionnelle qui était d'accord de le prendre cette année comme jeune professionnel, etc. Puis le développer. Il aurait pu faire tout le programme de l'équipe nationale, tous les tournois, si vous êtes de match durant l'année. Ils vont jouer des tournois avec l'équipe nationale, mais en dehors de la saison. Et on avait une excellente option en Suisse. Les deux étaient viables. Mais à la fin, c'est lui qui a décidé, il m'a dit, papa. Moi, si je suis repêché par une équipe intéressante, dans un cadre intéressant, pour moi, faire un plan, j'ai envie de m'en aller au Québec. Je veux jouer dans la Ligue junior du Québec parce que je pense que c'est la voie pour être repêché dans la Ligue nationale. C'est son objectif. Il m'a dit, c'est ça que je veux faire, donc c'est lui qui décide. Son agent, c'est Pat Brisson. Donc, est-ce que Pat Brisson a eu un lien avec ça aussi? Évidemment, il y a eu des discussions avec l'agent sur ça. Évidemment, l'agent, il dit, écoute, les deux options sont bonnes. Faut que ce soit le kid qui décide. Mais évidemment, Pat Brisson, les compétences de l'agence de Pat Brisson sont vraiment exceptionnelles en Amérique. Et puis, l'agence de Pat Brisson, André Ruel au Québec, Dominique Ricard, qui ont été très, très bons dans le dossier à Théo, je les remercie d'ailleurs. Évidemment, pour eux autres, la voie pour la NHL, ben, c'est le junior majeur, avec junior canadien. OK. Comment vous voyez l'adaptation de votre fils au Québec? Parce que là, c'est pas le même hockey qu'en Suisse. La vie au Québec, j'ai aucun souci à l'accent québécois. Comme moi, je peux l'avoir, j'ai pas de problème. C'est pas le même hockey, mais je suis pas inquiet parce que je pense qu'il y a le talent pour s'adapter. Évidemment, je pense qu'il va s'adapter assez rapidement. Le jeu physique, écoutez, c'est pas un gros gabarit, là. C'est pas un 300 livres, un 200 livres. Physiquement, les duels, ça va être... Comme un joueur de 16 ans, ça va être assez tough pour lui. Et il a le talent pour s'adapter, la capacité, surtout la sagesse, l'intelligence de pouvoir s'adapter. Ça va, comme tous les autres, il va passer par des passes difficiles, mais je suis pas inquiet qu'il va réussir à s'adapter à la Ligue junior du Québec. Ça, d'autant plus que la moitié de ses matchs, il va la jouer sur une patinoire de dimension européenne. Qui le favorise aussi. Ben écoutez, il a l'habitude. C'est un fabricant de jeu. C'est un joueur qui aime beaucoup se créer de l'espace à l'entrée de zone, faire des délais, faire des tight turns dans les coins et puis juste avoir la seconde ou deux de plus, ça va lui donner beaucoup plus d'options. C'est un jeune qui a, je pense, un sens du hockey hors norme, au-dessus de la moyenne. Il a une bonne vision, c'est un fabricant de jeu et cet espace de plus, il pourra l'utiliser à profit. Oui. On dit, j'ai parlé tantôt, j'ai dit on te compare à Nico Hischier, Jonathan Tate à peu près. Et lui, il a dit, je veux pas me comparer à personne, je veux me comparer à Théo Rochette. Est-ce que est-ce que c'est exagéré cette comparaison, Nico Hischier, Jonathan Tate? Okay, Jonathan Tate, on parlait du style de Jonathan Tate. Nico Hischier, les gens sont partis de la comparaison avec Nico Hischier parce qu'il a subi le même pattern, c'est-à-dire qu'il a été classé très rapidement en Suisse. Et les statistiques se ressemblent beaucoup. Même Théo a des meilleures statistiques en junior cette année au même âge que Nico Hischier parce qu'il a été surclassé un peu plus vite. Donc, moi, je prends ça avec des pincettes. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, il y a un tracé qui ressemble à Nico Hischier, mais il est jeune, la route est encore longue, il faut être prudent dans les comparaisons. Je comprends les gens qui font des comparaisons, mais je pense que lui, comme il sait, il faut qu'il se concentre sur sa carrière à lui, son style à lui. Théo Rochette, c'est Théo Rochette, Nico Hischier, s'il réussit comme Nico Hischier, chapeau, mais c'est Théo Rochette, c'est un joueur différent, il va être un petit peu plus petit que Nico Hischier. Des qualités légèrement différentes de Nico Hischier, mais c'est vrai que d'un point de vue statistique, on peut en parler. On en a parlé beaucoup cette semaine, quand ça a commencé à sortir que votre fils allait être repêché, d'être en Égypte, que vous avez fait de la pression pas mal pour qu'il vienne dans la Légion majeure du Québec. et ainsi de suite. Il y a du monde qui ont dit certains qui est organisé avec les remparts ou qui est organisé avec quelqu'un d'autre. Vous riez, votre fils a ri également. Il dit papa, il a de l'air à emmener large. Fait que là, vous êtes à Chicoutimi. Comment vous voyez avec les Saguenay? Sûrement, vous êtes content. Très honnêtement, Théo, moi, ce que je pense, c'est une chose. Mais l'important, c'est que lui soit content. Ouais, okay. Parce que c'est lui qui va jouer. Il est très, très heureux. On était dans les estrades durant le repêchage. Quand il a vu descendre ça, il s'est dit, papa, il dit, peut-être que je vais me rendre à 7 avec Chicoutimi. Je vais le jouer avec Hendrix Lapierre. Ils se connaissent, les deux. Il m'a dit, ça serait incroyable. Il sait que c'est un gros marché de hockey, une forte identité régionale. Le hockey, là-bas, c'est une religion. C'est un milieu francophone. Il est vraiment... Je vous le dis, là, il est vraiment très, très, très heureux. OK. En terminant, vu que vous connaissez le hockey suisse, je veux vous parler, on va lâcher le junior, puis on va lâcher votre fils. On va parler de la Suisse, le hockey suisse. Vous avez gagné, vous avez perdu en finale du championnat du monde. Le hockey suisse va très bien. Pas tellement loin, j'imagine, des autres puissances. Est-ce que c'est pensable de réaliser que d'ici 5 à 10 ans, la Suisse va être au même diapason que la Suède, la Finlande? Je pense pas, pour une raison, c'est qu'on n'a pas le même nombre de joueurs. On n'a pas assez de profondeur. Okay. Je pense qu'il y a de plus en plus de Suisses qui vont aller à NHL. Okay. On va peut-être arriver à former une équipe nationale avec tous les joueurs de NHL. Ça s'en vient, je pense. Mais on n'a pas la profondeur. On n'a jamais la profondeur de la Finlande ou de la Suède, qui sont des pays de hockey comme le Québec. Ouais. Les bons jeunes sportifs font du hockey. En Suisse, il y a beaucoup de... Et la Ligue suisse va bien, là. La Ligue suisse, moi, j'ai arbitré dans toutes les ligues d'Europe. J'ai arbitré en KHL. J'ai arbitré dans toutes les ligues d'Europe dans ma carrière d'arbitre. Et je peux vous dire que la Ligue suisse, c'est une des meilleures en Europe. La Ligue suisse, comme telle, est une des meilleures et des plus rapides en Europe. Meilleure que la Suède et la Finlande, pour moi. Meilleure que l'Allemagne. Meilleure que la République tchèque. Parce que dans ces pays-là, on sait qu'il y a 80 joueurs fins suédois qui jouent en NHL, etc. Donc, les meilleurs sont pas là. Donc, la Ligue suisse en Europe est, à mon avis, la deuxième meilleure derrière la KHL. Ah oui, OK, t'as la KHL et la Ligue suisse après tout ça. À mon avis, oui. Puis on regarde l'engouement aussi. La KHL, c'est là qu'il y a le plus de spectateurs. La deuxième ligue en Europe, il y a le plus de spectateurs, c'est en Suisse. Okay. Donc, le hockey en Suisse est très, très populaire. Et le niveau de la Ligue suisse est excellent. C'est une ligue qui est rapide. Il y a des excellents joueurs de hockey. Et c'est une ligue qu'il faut découvrir. Ben, merci beaucoup. Au plaisir de connaître les performances de votre fils. Ça me fait plaisir et j'espère la croiser beaucoup de gens.